La chronique cinéma. Je sais pas quoi faire. Est-ce que je fais ? Tu deviens complètement con ou quoi ? Qu'est-ce que tu racontes ? Je suis le parrain de ton fils. Mais enfin ! Lutin, malin, pestil ! Waouh ! Je la veux encore ! Ça ne doit plus arriver ! Ça fait partie des listes de choses qui ne doivent plus arriver ! Franchement ! Ici Hubert Félix Typhon, vous écoutez Radio Bronco. C'est à moi. Je suis Marraine la bonne fée. Bon con, bonne conne, chers amis auditeurices, bonjour à tous et bienvenue dans la chronique cinéma d'Hubert Félix Typhon. Aujourd'hui, pour notre troisième chronique cinéma, je vais vous proposer des films sur le thème de l'errance, parce que c'est un peu notre activité principale en ce sixième jour de confinement. J'erre, tu erres, il erre, nous faisons erre. Les quêtes identitaires sont comme qui dirait notre dada. Et des quêtes identitaires, le cinéma nous en a offert un joli paquet. Petite sélection subjective à suivre. Vous pouvez par ailleurs retrouver toutes mes autres chroniques dans les archives de la Radio des Boncons, accessibles depuis notre page Facebook. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à partager votre panthéon cinématographique spécial quarantaine afin d'en faire profiter toute notre communauté cinéphile. Collins. Alors commençons. En numéro 1, je vous propose une virée aux États-Unis avec un super film de Wim Wenders, réalisé en 1984. Il s'agit de Paris, Texas. Le film s'ouvre avec des plans magnifiques dans lesquels Travis, protagoniste principal, marche dans le désert du Texas sans but précis. Tout au long du film, nous l'accompagnons sur les traces de son passé familial et sentimental et redécouvrons en même temps que lui son être le plus profond. C'est un film très poignant qui frôle à mon sens la perfection esthétique et dont la BO donne envie d'enfiler son plus beau chapeau de cow-boy. Je vous laisse écouter. Par ailleurs, si vous ne connaissez pas les films de Wim Wenders, je vous invite à les découvrir. Petit coup de cœur pour Les Ailes du Désir, dans lequel Bruno Gantz joue un ange déchu. Trop dur à dire, cette phrase. Lui aussi en quête d'identité bien vénère. Là aussi, un esthétisme qui frôle la perfection, puisque le film a la particularité de mêler le noir et blanc à la couleur, procédé qui joue clairement un rôle dramaturgique, je ne vous en dis pas plus. Ensuite, je vous propose un grand classique du cinéma de l'errance qu'on classerait également dans la catégorie road movie. Il s'agit d'Easy Rider, de et avec Dennis Hopper et Peter Fonda. Alors pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est le moment de découvrir cette ode à la liberté qui donne là aussi d'enfiler son plus beau chapeau de cow-boy et d'enfourcher sa plus belle moto. En plus, c'est assez super pour faire un petit tour de l'histoire des États-Unis à l'aube des années 70, du racisme ambiant du Mississippi aux communautés hippies avec beaucoup de philosophie. C'est un grand oui. Et côté road movie, j'en profite pour vous suggérer également Thelma et Louise, le plus féministe et badass que je connaisse, avec une Suzanne Sarandon au top, ça claque et ça fait du bien. Mais après tout, je crois que l'un des films les plus représentatifs de l'errance, c'est Jerry de Gus Van Sant. Pour ne rien vous cacher, je n'ai jamais réussi à le regarder jusqu'au bout, mais je vous promets de réessayer durant ce confinement. Alors joignez-vous à moi pour cette expérience cinématographique et nous pourrons voir ensemble si nous pouvons ériger Jerry au rang de chef-d'œuvre de l'errance. Avant de nous quitter, je vous propose d'écouter la bande-annonce d'un film qui sera bientôt à l'affiche, un film qui pose lui aussi des questions d'identité. Vous l'avez peut-être déjà entendu sur la radio des bons cons, je vous laisse la découvrir. Je pars. Je vais acheter du PQ. Sois prudent. Déjà de retour ? Oui. J'ai oublié ma déclaration sur l'honneur. Confinement. Un film de Stanislas Dubois. Oh waouh, voilà donc un réalisateur prometteur. Cela m'inspire un petit jeu concours, citez-moi un film qui contient Dubois. Attention, pas le droit à Robin Dubois, c'est de la triche. Je vous laisse commenter sous la photo chronique de notre page Facebook. Les gagnants recevront un enregistrement de moi en train de tenir la note de Shallow de Lady Gaga et Bradley Cooper. D'ailleurs, je vous ai pas envoyé les cadeaux des jeux précédents, mais ne vous inquiétez pas. Je ne vous oublie pas, non, jamais. Je vous donne rendez-vous un autre jour, je sais pas quand, pour une autre chronique cinéma. En attendant, prenez soin de vous, prenez des nouvelles de vos proches au téléphone, lavez-vous bien les mains et restez branchés sur Radio Boncon, la radio des boncons. C'est notre histoire à nous, je ne vous oublie pas. La chronique cinéma. Tu es complètement con ou quoi ? Qu'est-ce que tu racontes ? Je te parle de ton fils ! Mais enfin ! Lutin, malin, pesté ! Waouh ! Je la veux encore ! Ça ne doit plus arriver ! Ça fait partie des listes de choses qui ne doivent plus arriver ! Franchement !